Alors, jetant ses loques, Ulysse la visée sauta sur le grand seuil. Il avait à la main son arc et son carquois plein de flèches ailées. Il vida le carquois devant lui à ses pieds, puis dit au prétendant, c'est fini maintenant de ces jeux anodins. Il est un autre but auquel nul ne visa. Voyons si je pourrais obtenir d'Apollon la gloire de l'atteindre. Il dit, et sur Antinoos, il décocha la flèche d'amertume. L'autre allait soulever sa belle coupe en or. Déjà, de ses deux mains, il en tenait les anses. Il s'apprêtait à boire. C'est de vin, non de faim, que son âme rêvait. Qui donc aurait pensé que seul, en plein festin, et parmi cette foule, un homme, si vaillant qu'il pût être, viendrait jeter la malemort et l'ombre de la parque? Ulysse avait tiré. La flèche avait frappé Antinoos au col. La pointe traversa la gorge délicate et sortit par la nuque. L'homme, frappé à mort, tomba à la renverse. Sa main lâcha la coupe. Soudain, un flot épais jaillit de ses narines. C'était du sang humain. D'un brusque coup, ses pieds culbutèrent la table, d'où les viandes rôties, le pain et tous les mets coulèrent sur le sol, mêlés à la poussière. Parmi les prétendants, quand on vit l'homme à terre, ce fut un grand tumulte. S'élançant des fauteuils, ils couraient dans la salle, et sur les murs bien joints, leurs yeux cherchaient en vain où prendre un bouclier ou quelque forte lance. Ils querellaient Ulysse en des mots furieux. Ah, chien! Vous pensiez donc que du pays de Troie, jamais je ne devrais rentrer en ce logis. Vous pillez ma maison, vous entriez de force au lit de mes servantes, et vous faisiez la cour, moi vivant, à ma femme, sans redouter les dieux, maître des champs du ciel, sans penser qu'un vengeur humain pouvait surgir. Vous voilà maintenant dans les nœuds de la mort. Il disait. La terreur les faisait tous verdir. Leurs yeux cherchaient où fuir la tombée de la mort, et le seul Érymaque trouvait à lui répondre. Ulysse, ah si vraiment c'est toi qui nous reviens, notre Ulysse d'Ithaque, tu peux avec raison parler aux Achéens de ces forfaits sans nombre qu'ils ont commis dans ton manoir et sur tes champs. Mais le voilà gisant, celui qui les causa. C'est cet Antinoos qui mettait tout en branle. Ce n'est pas tant l'hymen que rêvait son envie. Il avait d'autres vues que le fils de Cronos n'a pas favorisées, car il pensait régner sur ton pays d'Ithaque et sur ta belle ville quand il aurait tué ton fils en trahison. Mais puisque le voilà puni par le destin, épargne tes sujets. Nous allons t'apaiser, trouver dans le pays, soit en or, soit en bronze, de quoi te rembourser tout ce qu'on a pu boire et dévorer chez toi, en t'amenant chacun l'amende de 20 bœufs. Tant que ton cœur n'aura pas eu ce réconfort, nous ne pouvons trouver que juste ta colère. Ulysse la visée le toisa et lui dit, pour me dédommager, vous pourriez, Eurymaque, m'apporter tous vos biens et ceux de vos familles, et m'en ajouter d'autres. Mon bras continuerait encore de vous abattre, tant que de vos forfaits, je n'aurais pas tiré ma complète vengeance. Vous n'avez devant vous que le choix, ou combattre, ou chercher dans la fuite un moyen d'éviter les parcs et la mort. Mais croyez-moi, la mort est déjà sur vos têtes, pas un n'échappera. À ces mots, ils sentaient se dérober sous eux leur cœur et leurs genoux. Eurymaque reprit à nouveau la parole. « Ami, vous l'entendez? Rien ne peut arrêter ces mains infatigables. Puisqu'il tient le carquois et l'arc si bien poli, il va, du haut du seuil luisant, tirer ses flèches tant qu'il lui restera l'un de nous à abattre. Ne pensons qu'à lutter. Allons, glaives au vent. Contre la pluie de mort, prenons pour bouclier nos tables, et fonçant et fondant sur lui tous à la fois, tâchons de le chasser du seuil et de la porte, et courons vers la ville appeler au secours. Cet homme aurait tiré pour la dernière fois. » À ces mots, Eurymaque, avec un cri sauvage, sortait son glaive à pointe aux deux tranchants de bronze. Il bondit vers le seuil. Mais le divin Ulysse le prévint et tira. La flèche, sous le sein, entra dans la poitrine et courut se planter dans le foie. Eurymaque laissa tomber son glaive et, plongeant de l'avant, le corps plié en deux s'abattit sur la table en renversant avec les mets la double coupe. Le front frappa le sol, le souffle devint rauque, le fauteuil, sous le choc des talons, culbuta, puis les yeux se voilèrent. C'est ainsi qu'en la salle, les autres prétendants furent exterminés, avec un bruit affreux de crânes fracassés dans les ruisseaux du sang qui coulait sur le sol. Et partout dans la salle, Ulysse regardait si quelques survivants ne restaient pas blottis, cherchant à éviter la parque ténébreuse. Mais tous étaient couchés dans la boue et le sang. Sous ses yeux, quelle foule! On eût dit des poissons qu'en un creux de la rive, les pêcheurs ont tiré de la mer écumante. Aux mailles du filet, sur les sables, leurs tas bâillent vers l'onde amère, et les feux du soleil leur enlèvent le souffle. C'est ainsi qu'en un tas gisaient les prétendants. Ulysse la visite dit alors à son fils, Télémaque, « Va-t'en appeler de ma part la nourrice Ryclée. J'aurai à lui donner un ordre auquel je tiens. » Sur ces mots, Télémaque obéit à son père, et secouant la porte, il dit à la nourrice, « Debout, et vite ici, vieille des anciens jours, qui surveillait chez nous nos femmes de service. Viens, mon père t'appelle, il voudrait te parler. » En voyant tous ces morts et ces ruisseaux de sang, devant un tel exploit, la vieille allait pousser la clameur de triomphe. Ulysse l'arrêta et contint son envie, puis, élevant la voix, lui dit ces mots hélas, ailés. Vieille, aie la joie au cœur, mais tais-toi, pas un cri. Triompher sur les morts est une impiété. C'est le destin des dieux qui les tue, et leur crime. Qu'on fût noble ou vilain, quand on les abordait, ils n'avaient pour tout homme au monde que mépris. C'est leur folie qui leur valut ce sort affreux. Mais dis-moi, des servantes qui sont en ce manoir, lesquelles m'ont trahi, lesquelles sont fidèles? La nourrice Ryclée lui fit cette réponse. Mon fils, je te dirai toute la vérité. Des 50 servantes qui sont en ce manoir, et que j'avais dressées à toutes les besognes, à travailler la laine et subir l'esclavage, il en est 12 en tout, dont l'audace éhontée fut sans respect pour moi, pour Pénélope même. Télémaque achevait seulement de grandir. Sa mère interdisait qu'il commandât aux femmes. Mais laisse, que je monte à l'étage brillant, avertir ton épouse. Un dieu l'a fait dormir. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Elle? Non, pas encore. Avant de l'éveiller, fais-moi venir ici les filles que tu vis, tramées des vilenies. Il disait. Traversant la grande salle, la vieille alla dire aux servantes de venir au plus tôt. Mais, appelant son fils, Eumée et le bouvier, Ulysse leur disait ces paroles ailées. Commencez à l'instant, qu'on emporte les morts, que les femmes vous aident, et vous prendrez ensuite l'éponge aux mille trous pour laver à grande eau tables et beaux fauteuils. Quand vous aurez remis tout en ordre au manoir, de la salle trapue, emmenez les servantes, et dans la cour d'honneur, entre le pavillon et la solide enceinte, faites-leur rendre l'âme à la pointe du glaive sans en épargner une. C'est fini d'Aphrodite et des plaisirs de nuit au bras des prétendants. S'étant lavé ensuite et les pieds et les mains, on rentra vers Ulysse. L'œuvre était accomplie. Ulysse était en train de dire à la nourrice, « Pour chasser l'air mauvais, vieille, apporte du soufre et donne-nous du feu. Je veux souffrer la salle. Puis, va chez Pénélope et la prie de venir avec ses chambrières. »